L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, troisième partie. Mon aventure à terre. Chapitre 13. Où commence mon aventure à terre? Quand je montais sur le pont le lendemain matin, l'île se présentait sous un aspect tout nouveau. La brise était complètement tombée, mais nous avions fait beaucoup de chemin durant la nuit, et à cette heure le calme plat nous retenait à un demi-mille environ dans le sud-est de la basse côte orientale. Sur presque toute sa superficie s'étendaient des bois au ton grisâtre. Cette teinte uniforme était interrompue par des bandes de sable jaune garnissant les creux du terrain et par quantité d'arbres élevés de la famille des pins qui dominaient les autres, soit isolément, soit par bouquets. Mais le coloris général était terne et mélancolique. Les montagnes dressaient par-dessus cette végétation leurs pitons de rocs dénudés. Toutes étaient de forme bizarre, et la longue vue, de 300 ou 400 pieds la plus haute de l'île, offrait également l'aspect le plus bizarre, s'élançant à pic de tous côtés et tronqué net au sommet comme un piédestal qui attend sa statue. L'Hispaniola roulait bord sur bord dans la houle de l'océan. Les poulies grinçaient, le gouvernail battait, et le navire entier craquait, grondait et frémissait comme une manufacture. Je devais me tenir ferme au galopant et tout tourner vertigineusement sous mes yeux, car si j'étais assez bon marin lorsqu'on faisait route, rester ainsi à danser sur place comme une bouteille vide est une chose que je n'ai jamais pu supporter sans quelque nausée, en particulier le matin et à jeun. Cela en fut-il cause ou bien l'aspect mélancolique de l'île, avec ses bois grisâtres, ses farouches arêtes de pierre et le ressac qui devant nous rejaillissait avec un bruit de tonnerre contre le rivage abrupt? En tout cas, malgré le soleil éclatant et chaud, malgré les cris des oiseaux de mer qui pêchaient alentour de nous, et bien qu'on dût être fort aise d'aller à terre après une aussi longue navigation, j'avais, comme on dit, le cœur retourné, et dès ce premier coup d'œil, je pris en grippe à tout jamais l'île au trésor. Nous avions en perspective une matinée de travail ardu, car il n'y avait pas de traces de vent, il fallait mettre à la mer les canots et remorquer le navire l'espace de 3 ou 4 miles pour doubler la pointe de l'île et l'amener par un étroit chenal au mouillage situé derrière l'îlot du squelette. Je pris passage dans l'une des embarcations où je n'avais d'ailleurs rien à faire. La chaleur était étouffante et les hommes pestaient furieusement contre leur besogne. Anderson commandait mon canot et au lieu de rappeler à l'ordre son équipage, il protestait plus fort que les autres. « Bah !» lança-t-il avec un juron. « Ce n'est pas pour toujours !» Je vis là un très mauvais signe. Jusqu'à ce jour, les hommes avaient accompli leur travail avec entrain et bonne humeur, mais il avait suffi de la vue de l'île pour relâcher les liens de la discipline. Durant tout le trajet, Long John se tint près de la barre et pilota le navire. Il connaissait la passe comme sa poche, et bien que le timonier, en sondant, trouvât partout plus d'eau que n'en indiquait la carte, John n'hésita pas une seule fois. « Il y a une chasse violente lors du reflux, » dit-il, « et c'est comme si cette passe avait été creusée à la bêche. » Nous mouillâmes juste à l'endroit indiqué sur la carte, à environ un tiers de miles de chaque rive, la terre d'un côté et l'îlot du squelette de l'autre. Le fond était de sable fin. Le plongeon de notre ancre fit s'élever du bois une nuée tourbillonnante d'oiseaux criards. Mais en moins d'une minute, ils se posèrent de nouveau et tout redevint silencieux. La rade était entièrement abritée par les terres et entourée de bois dont les arbres descendaient jusqu'à la limite des hautes eaux. Les côtes en général étaient plates et les cimes des montagnes formaient à la ronde une sorte d'amphithéâtre lointain. Deux petites rivières, ou plutôt deux marigots, se déversaient dans ce qu'on pourrait appeler un étang, et le feuilletage sur cette partie de la côte avait une sorte d'éclat vénéneux. Du navire, impossible de voir le fortin ni son enclos, car ils étaient complètement enfouis dans la verdure. Et sans la carte étalée sur le capot, nous aurions pu nous croire les premiers à jeter l'ancre en ce lieu depuis que l'île était sortie des flots. Il n'y avait pas un souffle d'air, ni d'autre bruit que celui du ressac tonnant à un demi-mile de là, le long des plages et contre les récifs extérieurs. Un relent caractéristique de végétaux détrempés et de troncs d'arbres pourrissants stagnaient sur le mouillage. Je vis le docteur renifler longuement comme on flaire un œuf gâté. Je ne sais rien du trésor, dit-il, mais je gagnerai ma perruque qu'il y a de la fièvre par ici. Si la conduite des hommes avait été alarmante dans le canot, elle devint réellement menaçante quand ils furent remontés à bord. Ils se tenaient groupés sur le pont à murmurer entre eux. Les moindres ordres étaient accueillis par un regard noir et exécutés à regret et avec négligence. Les matelots honnêtes eux-mêmes semblaient subir la contagion, car il n'y avait pas un homme à bord qui réprimandât les autres. La mutinerie, c'était clair, nous menaçait comme une nuée d'orage. Et nous n'étions pas les seuls, nous autres du parti de la cabine, à comprendre le danger. Long John s'évertuait, allant de groupe en groupe, et se répandait en bon avis. Personne n'eût pu donner meilleur exemple. Il se surpassait en obligeance et en politesse. Il prodiguait les sourires à chacun. Donnait-on un ordre, John arrivait à l'instant sur sa béquille avec le plus jovial. « Bien, monsieur !» Et quand il n'y avait rien d'autre à faire, il entonnait chanson sur chanson, comme pour dissimuler le mécontentement général. De tous les fâcheux détails de cette fâcheuse après-midi, l'évidente anxiété de Long John apparaissait le pire. On tint conseil dans la cabine. « Monsieur, dit le capitaine au chevalier, si je risque encore un ordre, tout l'équipage nous saute dessus du coup. Oui, monsieur, nous en sommes là. Supposez qu'on me réponde grossièrement. Si je relève la chose, les anspés entrent en danse aussitôt. Et si je ne dis rien, Silver sent qu'il y a quelque chose là-dessous, et la partie est perdue. Pour maintenant, nous n'avons qu'un seul homme à qui nous fier. » « Et qui donc ? » interrogea le chevalier. « Silver, monsieur, il est aussi désireux que vous et moi d'apaiser les choses. Ceci n'est qu'un accès d'humeur, il le leur fera vite passer s'il en avait l'occasion, et ce que je propose est de la lui fournir. Accordons aux hommes une après-midi à terre. S'ils y vont tous, eh bien, le navire est à nous. Si personne n'y va, alors nous tenons la cabine, et Dieu défendra le bon droit. Si quelques-uns seulement y vont, notez mes paroles, monsieur. Silver les ramènera à bord doux comme des agneaux. » Il en fut décidé ainsi. On distribua des pistolets chargés à toutes les personnes sûres. On mit dans la confidence Humer, Joyce et Redruth, et ils accueillirent les nouvelles avec moins de surprise et avec plus de confiance que nous ne l'avions attendu. Après quoi le capitaine monta sur le pont et harangua l'équipage. « Garçon, dit-il, la journée était chaude et nous sommes tous fatigués et pas dans notre assiette. Une promenade à terre ne fera de mal à personne. Les embarcations sont encore à l'eau. Prenez les yoles et que tous ceux qui le désirent s'en aillent à terre pour l'après-midi. Je ferai tirer un coup de canon une demi-heure avant le coucher du soleil. » Ces imbéciles se figuraient sans doute qu'ils allaient se casser le nez sur le trésor aussitôt débarqué. Leur maussaderie se dissipa en un instant et ils poussèrent un vivat qui réveilla au loin l'écho d'une montagne et fit de nouveau partir une volée d'oiseaux criards alentour du mouillage. Le capitaine était trop fin pour rester auprès d'eux. Laissant à Silver le soin d'arranger l'expédition, il disparut tout aussitôt, et je crois que cela valait mieux. Fût-il demeuré sur le pont, il ne pouvait prétendre davantage ignorer la situation. Elle était claire comme le jour. Silver était le vrai capitaine, et il avait à lui un équipage en pleine révolte. Les matelots honnêtes, et nous acquîmes bientôt la preuve qu'il en restait à bord, étaient à coup sûr des êtres bien stupides. Ou plutôt, voici, je crois, la vérité. L'exemple des meneurs avait démoralisé tous les hommes, mais à des degrés divers, et quelques-uns, braves gens au fond, refusaient de se laisser entraîner plus loin. On peut être fainéant et poltron, mais de là à s'emparer d'un navire et à massacrer un tas d'innocents, il y a de l'intervalle. L'expédition, cependant, fut organisée. Six matelots devaient rester à bord, et les 13 autres, y inclus Silver, commencèrent d'embarquer. Ce fut alors que me passa par la tête la première des folles idées qui contribuèrent tellement à nous sauver la vie. Puisque Silver laissait 6 hommes, il était clair que notre parti ne pouvait s'emparer du navire, et puisqu'il n'en restait que 6, il était également clair que ceux de la cabine n'avaient pas un besoin immédiat de ma présence. Il me prit tout à coup la fantaisie d'aller à terre. En un clin d'œil, Je m'esquivai par-dessus bord et me blottis à l'avant du canot le plus proche, qui démarra presque aussitôt. Personne ne fit attention à moi, sauf l'aviron de proue qui me dit « C'est toi, Jim? Baisse la tête !» Mais Silver, dans l'autre canot, tourna vivement la tête et nous hela pour savoir si c'était moi. Dès cet instant, je commençais à regretter ce que j'avais fait. Les équipes luttèrent de vitesse pour gagner la côte, mais l'embarcation qui me portait, ayant quelque avance et étant à la fois la plus légère et la mieux manœuvrée, dépassa de loin sa concurrente. Et l'avant du canot s'étant enfoncé parmi les arbres du rivage, j'avais saisi une branche, sauté dehors et plongé dans le plus proche fourré, que Silver et les autres étaient encore à 50 toises en arrière. « Jim! Jim !» l'entendis-je appeler. « Mais vous pensez bien que je ne m'en occupais pas. Sautant, me baissant et me frayant passage, je courus droit devant moi jusqu'au moment où la fatigue me contraignait de m'arrêter. » Chapitre 14. Le premier coup. J'étais si content d'avoir planté là Long John que je commençais à me divertir et à examiner avec curiosité le lieu où je me trouvais sur cette terre étrangère. J'avais franchi un espace marécageux, encombré de saules, de joncs et de singuliers arbres paludéens à l'aspect exotique, et j'étais arrivé sur les limites d'un terrain découvert, aux ondulations sablonneuses, long d'un mile environ, parsemé de quelques pins et d'un grand nombre d'arbustes rabougris, rappelant assez des chênes par leur aspect, mais d'un feuillage argenté comme celui des saules. À l'extrémité du découvert s'élevait l'une des montagnes, dont le soleil éclatant illuminait les deux sommets aux escarpements bizarres. Je connus alors pour la première fois les joies de l'explorateur. L'île était inhabitée. Mes compagnons, je les avais laissés en arrière, et rien ne vivait devant moi que des bêtes. Je rôdais au hasard parmi les arbres. Ça et là fleurissaient des plantes inconnues de moi. Ça et là je vis des serpents, dont l'un darda la tête hors d'une crevasse de rocher, en sifflant avec un bruit assez analogue au ronflement d'une toupie. Je ne me doutais guère que j'avais là devant moi un ennemi mortel, et que ce bruit était celui de la fameuse sonnette. J'arrivai ensuite à un long fourré de ces espèces de chênes, des chênes verts comme j'appris plus tard à les nommer, qui buissonnaient au ras du sable, tels des ronces, et entrelaçaient bizarrement leurs ramures, serrées drues comme un chaume. Le fourré partait du haut d'un monticule de sable et s'étendait toujours en s'élargissant et augmentant de taille jusqu'à la limite du vaste marais plein de roseaux, parmi lesquels se traînait la plus proche des petites rivières qui débouchent dans le mouillage. Sous l'ardeur du soleil, une exhalaison montait du marais et les contours de la longue-vue tremblotaient dans la buée. Tout d'un coup, il se fit entendre des joncs une sorte d'émeute. Avec un cri rauque, un canard sauvage s'envola, puis un autre, et bientôt, sur toute la superficie du marais, une énorme nuée d'oiseaux criards tournoyait dans l'air. Je jugeai par là que plusieurs de mes compagnons de bord s'approchaient par les confins du marigot, et je ne me trompais pas, car je perçus bientôt les lointains et faibles accents d'une voix humaine qui se renforça et se rapprocha peu à peu, tandis que je continuais à prêter l'oreille. Cela me jeta dans une grande frayeur. Je me glissai sous le feuillage du chêne vert le plus proche et m'y accroupis aux aguets sans faire plus de bruit qu'une souris. Une autre voix répondit à la première, puis celle-ci, que je reconnus pour celle de Silver, reprit et continua longtemps d'abondance, interrompue par l'autre à deux ou trois reprises seulement. D'après le ton, les interlocuteurs causaient avec vivacité et se disputaient presque, mais il ne me parvenait aucun mot distinct. À la fin, les deux hommes firent halte et probablement ils s'assirent, car non seulement ils cessèrent de se rapprocher, mais les oiseaux mêmes s'apaisèrent peu à peu et retournèrent à leur place dans le marais. Et alors, je m'aperçus que je négligeais mon rôle, puisque j'avais eu la folle témérité de venir à terre avec ces sacripants. Le moins que je pusse faire était de les espionner dans leur conciliabule, et mon devoir clair et évident était de m'approcher d'eux autant que possible sous le couvert propice des arbustes rampants. Je pouvais déterminer fort exactement la direction où se trouvaient les interlocuteurs, non seulement par le son des voix, mais par la conduite des derniers oiseaux qui planaient encore, effarouchés au-dessus des intrus. m'avançant à quatre pattes, je me dirigeais vers eux sans dévier, mais avec lenteur. Enfin, par une trouée du feuillage, ma vue plongea dans un petit creux de verdure, voisin du marais et étroitement entouré d'arbres, où Long John Silver et un autre membre de l'équipage s'entretenaient tête à tête. Le soleil tombait en plein sur eux. Silver avait jeté son chapeau près de lui sur le sol, et il levait vers son compagnon avec l'air de l'exhorter, son grand visage lisse et blond, tout verni de chaleur. « Mon gars, disait-il, c'est parce que je t'estime au poids de l'or. Oui, au poids de l'or, sois-en sûr. Si je ne tenais pas à toi comme de la glu, crois-tu que je serais ici occupé à te mettre en garde? La chose est réglée. Tu ne peux rien faire ni empêcher. C'est pour sauver ta tête que je te parle. Si un de ces brutaux le savait, que deviendrais-je, Tom? Indique, que deviendrais-je? » « Silver, répliqua l'autre, et non seulement il avait le rouge au visage, mais il parlait avec la rossité d'un corbeau, et sa voix frémissait comme une corde tendue. « Silver, tu es âgé, tu es honnête, tu en as du moins la réputation. De plus, tu possèdes de l'argent, à l'inverse d'un tas de pauvres marins, et tu es brave, si je ne me trompe. Et tu vas venir me raconter que tu t'es laissé entraîner par ce ramassis de vils sagouins? Non, ce n'est pas possible. » « Aussi vrai que Dieu me voit, j'en mettrai ma main au feu. Quant à moi, si je renie mon devoir... » Un bruit soudain l'interrompit. Je venais de découvrir en lui l'un des matelots honnêtes, et voilà qu'en cet instant, un autre me révélait son existence. Au loin, sur le marigot, avait éclaté un brusque cri de colère, aussitôt suivi d'un second, et puis vint un hurlement affreux et prolongé. Les rochers de la longue-vue le répercutèrent en échos multipliés. Toute la troupe des oiseaux de marée prit une fois de plus son essor et assombrit le ciel dans un bruit d'ailes tumultueux. Et ce cri d'agonie me résonnait toujours dans la tête, alors que le silence régnait à nouveau depuis longtemps et que la rumeur des oiseaux redescendant et le tonnerre lointain du ressac troublaient seul la touffeur de l'après-midi. Tom avait bondi au bruit comme un cheval sous l'éperon, mais Silver ne sourcilla pas. Il restait en place, appuyé légèrement sur sa béquille, surveillant son interlocuteur comme un reptile prêt à s'élancer. « John, fit le matelot en avançant la main. « Bas les pattes !» ordonna Silver qui sauta d'une demi-toise en arrière avec l'agilité et la précision d'un gymnaste exercé. « Bas les pattes si tu veux, John Silver. C'est ta mauvaise conscience seule qui te fait avoir peur de moi. Mais au nom du ciel, qu'est-ce que c'était que ça ?» Silver sourit, mais sans se départir de son attention. Dans sa grosse figure, son œil réduit à une simple tête d'épingle, étincelé comme un éclat de verre. « Ça, répondit-il, il me semble que ce devait être Alan. » À ces mots, l'infortuné Tom se redressa, héroïque. « Alan, alors que son âme repose en paix, c'était un vrai marin. Quant à toi, John Silver, tu as été longtemps mon copain, mais tu ne l'es plus. Si je meurs comme un chien, je mourrai quand même dans mon devoir. Tu as fait tuer Alan, n'est-ce pas ? Tue-moi donc aussi si tu en es capable, mais je te mets au défi. » Là-dessus, le brave garçon tourna le dos au coq et se dirigea vers le rivage. Mais il n'alla pas loin. Avec un hurlement, John saisit une branche d'un arbre, dégagea sa béquille de dessous son bras et la lança à toute volée la pointe en avant. Ce singulier projectile atteignit Tom en plein milieu du dos avec une violence foudroyante. Le malheureux leva les bras, poussa un cri étouffé et s'abattit. Était-il blessé grièvement ou non? Je crois bien à en juger par le bruit qu'il eut l'épine dorsale brisée du cou. Mais Silver ne lui donna pas le loisir de se relever. Agile comme un singe, même privé de sa béquille, le coq était déjà sur lui et par deux fois a enfoncé son coutelas jusqu'au manche dans ce corps sans défense. De ma cachette, je l'entendis ahanner en frappant. J'ignore ce qu'est un évanouissement véritable, mais je sais que pour une minute, tout ce qui m'entourait se perdit à ma vue dans un brumeux tourbillon. Silver, les oiseaux et la montagne ondulaient en tous sens devant mes yeux et un tintamarre confus de cloches et de voix lointaines m'emplissait les oreilles. Quand je revins à moi, l'infâme, béquille sous le bras, chapeau sur la tête, s'était ressaisi. À ses pieds, Tom gisait inerte sur le gazon. Mais le meurtrier n'en avait nul souci et il essuyait à une touffe d'herbe son couteau sanglant. Rien d'autre n'avait changé. Le même soleil implacable brillait toujours sur le marais vaporeux et sur les cimes de la montagne. J'avais peine à me persuader qu'un meurtre venait d'être commis là, et une vie humaine cruellement tranchée un moment plus tôt sous mes yeux. John porta la main à sa poche et y prit un sifflet dont il tira des modulations qui se propagèrent au loin dans l'air chaud. J'ignorais, bien entendu, la signification de ce signal, mais il m'angoissa. On allait venir, on me découvrirait peut-être. Il avait déjà tué deux matelots fidèles, après Tom et Alan. Ne serait-ce pas mon tour? À l'instant, j'entrepris de me dégager et rampai en arrière vers la partie moins touffue du bois, aussi vite et silencieusement que possible. J'entendais les appels qu'échangeaient le vieux flibustier et ses camarades, et la proximité du danger me donnait des ailes. Sitôt sorti du fourré, je courus comme je n'avais jamais couru. Peu m'importait la direction, pourvu que ma fuite m'éloignât des meurtriers. Et durant cette course, la peur ne cessa de croître en moi jusqu'à m'affoler presque. Personne, en effet, pouvait-il être plus irrémédiablement perdu? Au coup de canon, comment oserais-je regagner les embarcations parmi ces bandits encore sanglants de leurs crimes? Le premier qui m'apercevrait ne me tordrait-il pas le cou comme à un poulet? Mon absence à elle seule ne me condamnait-elle pas à leurs yeux? Tout était fini, pensais-je. Adieu, Espagnola. Adieu, chevalier, docteur, capitaine. Mourir de faim ou mourir sous les coups des révoltés. Je n'avais pas d'autre choix. Cependant, comme je l'ai dit, je courais toujours et sans m'en apercevoir, j'étais arrivé au pied de la petite montagne à deux sommets, dans une partie de l'île où les chênes verts croissaient moins drus et ressemblaient davantage à des arbres forestiers par le port et les dimensions. Il s'y entremêlait quelques pins solitaires qui atteignaient au moins 50 pieds et quelques-uns jusqu'à 70. L'air en outre semblait plus pur que dans les bas-fonds voisins du Marigot. Et voici qu'une nouvelle alerte m'arrêta court, le cœur palpitant. Chapitre 15. L'homme de l'île. Du flanc de la montagne qui était ici abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe? Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage. Mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisai. Je me voyais à cette heure cerné de toutes parts. Derrière moi, les meurtriers. Devant, ce je ne sais quoi embusqué. Sans un instant d'hésitation, je préférais les dangers connus aux inconnus. Comparé à cette créature des bois, Silver lui-même m'apparut moins redoutable. Je fis donc volte-face, et tout en regardant derrière moi avec inquiétude, retournai sur mes pas dans la direction des canaux. Aussitôt, la forme reparut, et faisant un grand détour, parut s'appliquer à me couper la retraite. J'étais las, certes, mais eussé-je été aussi frais qu'à mon lever, je vis bien qu'il m'était impossible de lutter de vitesse avec un tel adversaire. Passant d'un tronc à l'autre, la mystérieuse créature filait comme un daim. Elle se tenait sur deux jambes, à la manière des hommes, mais ce que je n'avais jamais vu faire à aucun homme, elle courait presque pliée en deux, et malgré cela, je n'en pouvais plus douter, c'était un homme. Je me rappelais ce que je savais des cannibales, et fus sur le point d'appeler au secours. Mais le simple fait que c'était un homme, même sauvage, suffisait à me rassurer, et ma crainte de Silver se réveilla en proportion. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Il venait de se dissimuler derrière un tronc d'arbre, mais il me surveillait attentivement, car au premier geste que je risquais dans sa direction, il reparut et fit un pas à ma rencontre. Puis il se ravisa, recula, s'avança de rechef, et enfin, à mon étonnement et à ma confusion, se jeta à genoux et tendit vers moi des mains suppliantes. Je m'arrêtai de nouveau et lui demandai : « Qui êtes-vous ? » « Ben Gunn, répondit-il d'une voix rauque et embarrassée comme le grincement d'une serrure rouillée. « Je suis le pauvre Ben Gunn, oui, et depuis 3 ans, je n'ai pas parlé à un chrétien. » Je m'aperçus alors que c'était un blanc comme moi et qu'il avait des traits assez agréables. Sa peau partout où on la voyait était brûlée du soleil. Ses lèvres même étaient noircies et ses yeux bleus surprenaient tout à fait dans un si sombre visage. De tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés, c'était le maître en fait de haillons. Des lambeaux de vieille toile à voile et de vieux cirés le vêtaient, et cette bizarre mosaïque tenait ensemble par un système d'attaches des plus variées et des plus incongrues, boutons de métal, liens d'osier, nœuds de filin goudronné. Autour de sa taille, il portait un vieux ceinturon de cuir à boucles de cuivre qui était la seule partie solide de tout son accoutrement. « 3 ans, m'écriai-je, vous avez fait naufrage !»« Non, camarade, répondit-il. Marronné. » Je connaissais le terme et savais qu'il désignait un de ces horribles châtiments usités chez les flibustiers qui consistent à déposer le coupable, avec un peu de poudre et quelques balles, sur une île déserte et lointaine. « Marronné depuis 3 ans, continua-t-il, et pendant ce temps, j'ai vécu de chèvres, de fruits et de coquillages. À mon avis, n'importe où l'on se trouve, on peut se tirer d'affaire. Mes camarades, mon cœur aspire à une nourriture de chrétien. Dis, n'aurais-tu pas sur toi, par hasard, un morceau de fromage ? Non, oh, et c'est qu'il y a des nuits et des nuits que je rêve de fromage, grillé surtout, et puis je me réveille et je me retrouve ici. Si jamais je peux retourner à bord, répliquai-je, je vous aurai du fromage, au quintal. Durant tout ce temps, il avait tâté l'étoffe de ma vareuse, caressé mes mains, examiné mes souliers, et bref, manifester un plaisir d'enfant à voir auprès de lui un congénère. Mais à mes derniers mots, il leva la tête avec une sorte d'étonnement sournois. « Si jamais tu peux retourner à bord, dis-tu » répéta-t-il. « Mais voyons, qui est-ce qui t'en empêcherait ?»« Ce n'est pas vous, je le sais. »« Sûrement non !» s'écria-t-il. « Mais tiens, comment t'appelles-tu, camarade ?»« Jim. »« Jim ?»« Jim !» fit-il avec un plaisir évident. « Eh bien, tiens, Jim !» J'ai mené une vie si brutale que tu aurais honte de l'entendre conter. Ainsi, par exemple, tu ne croirais pas que j'ai eu une mère pieuse à me voir. Ma foi, non, pas précisément. Tu vois, fit-il, eh bien, j'en ai tout de même une, remarquablement pieuse. J'étais un garçon poli et pieux, et je pouvais débiter mon catéchisme si vite qu'on n'aurait pas distingué un mot de l'autre. Et voilà à quoi cela aboutit, Jim, et cela a commencé en jouant à la fossette sur les tombes saintes. C'est ainsi que cela a commencé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et ma mère m'avait dit et prédit le tout, hélas, la pieuse femme. Mais c'est la Providence qui m'a placée ici. J'ai médité à fond sur tout cela dans cette île solitaire, et je suis revenue à la piété. On ne m'y prendra plus à boire autant de rhum, juste plein dé et en réjouissance naturellement à la première occasion que j'aurai. Je me suis juré d'être homme de bien, et je sais comment je ferai. Et puis, Jim, il regarda tout autour de lui et baissant la voix me dit dans un chuchotement, « Je suis riche. » Je ne doutais plus que le pauvre garçon fût devenu fou dans son isolement. Il est probable que mon visage exprima cette pensée, car il répéta son assertion avec véhémence. « Riche, oui, riche, te dis-je. Et si tu veux savoir, je ferai quelqu'un de toi, Jim. Ah oui, tu béniras ton étoile, oui. » Car c'est toi le premier qui m'a rencontré. » Mais à ces mots, une ombre soucieuse envahit tout à coup ses traits. Il serra plus fort ma main, leva devant mes yeux un index menaçant et interrogea. « Allons, Jim, dis-moi la vérité, ce n'est pas le navire de Flint ?» J'eus une heureuse inspiration. Je commençais à croire que j'avais trouvé un allié, et je lui répondis aussitôt. « Ce n'est pas le navire de Flint, et Flint est mort. » Mais je vais vous dire la vérité comme vous me la demandez. Nous avons à bord plusieurs matelots de Flint, et c'est tant pis pour nous autres. Pas un homme à une jambe, haleta-t-il. Silver ? Oui, Silver, c'était son nom. C'est le coq, et c'est aussi le meneur. Il me tenait toujours par le poignet, et à ces mots, il me le tordit presque. Si tu es envoyé par Long John, je suis cuit, je le sais, mais vous autres, qu'est-ce qui va vous arriver, croyez-vous ? Je pris mon parti à l'instant, et en guise de réponse, je lui narrai toute l'histoire de notre voyage et la situation dans laquelle nous nous trouvions. Il m'écouta avec le plus vif intérêt. Quand j'eus fini, il me donna une petite tape sur la nuque. « Tu es un bon garçon, Jim, et vous êtes tous dans une sale passe, hein ? Eh bien, vous n'avez qu'à vous lier à Ben Gunn. Ben Gunn est l'homme qu'il vous faut. Mais crois-tu probable, dis, que ton chevalier se montrerait généreux en cas d'assistance, alors qu'il se trouve dans une sale passe, remarque ?» Je lui affirmai que le chevalier était le plus libéral des hommes. « Soit, mais vois-tu, reprit Ben Gunn, je ne voudrais pas qu'on me donne une porte à garder et un habit de livrée et le reste. Ce n'est pas mon genre, Jim. Voici ce que je veux dire. Serait-il capable de condescendre à lâcher, mettons, 1 millier de livres sur l'argent qui est déjà comme sien à présent ?»« Je suis certain que oui. Il était convenu que tous les matelots auraient leur part. » Et le passage du retour, ajouta-t-il d'un air très soucieux. Voyons, le chevalier est un gentilhomme, et d'ailleurs, si nous venons à bout des autres, nous aurons besoin de vous pour aider à la manœuvre du bâtiment. Ça, je ne serai pas trop. Et il parut entièrement rassuré. Maintenant, reprit-il, je vais te dire quelque chose. Je te dirai cela, mais pas plus. J'étais sur le navire de Flint lorsqu'il enterra le trésor, lui avec 6 autres. 6 forts marins. Ils furent à terre près d'une semaine et nous restâmes à louvoyer sur le vieux Walrus. Un beau jour, on aperçoit le signal et voilà Flynn qui nous arrive tout seul dans un petit canot, son crâne bandé d'un foulard bleu. Le soleil se levait et Flynn paraissait à contre-jour sur l'horizon d'une pâleur mortelle. Mais songe qu'il était là, lui et ses compagnons, morts tous les 6, morts et enterrés. Comment il s'y était pris, nul de nous à bord ne put le deviner. Ce fut bataille, en tout cas, meurtre et mort subite, à lui seul contre 6. Billy Bones était son premier officier, Long John son quartier-maître, et ils lui demandèrent où était le trésor. « Oh !» qu'il leur dit, « vous pouvez aller à terre si ça vous chante et y rester, qu'il dit, mais pour ce qui est du navire, il va courir la mer pour de nouveaux butins, 1000 tonnerres. » Voilà ce qu'il leur dit. Or, 3 ans plus tard, comme j'étais sur un autre navire, nous arrivons en vue de cette île. « Garçon, dis-je, c'est ici qu'est le trésor de Flint. Atterrissons et cherchons-le. » Le capitaine fut mécontent, mais mes camarades de bord acceptèrent avec ensemble et débarquèrent. 12 jours ils cherchèrent, et chaque jour ils me traitaient plus mal, tant et si bien qu'un beau matin, tout le monde s'en retourne à bord. « Quant à toi, Benjamin Gunn, qu'ils me disent, voilà un mousquet, qu'ils disent, et une bêche et une pioche. Tu peux rester ici et trouver l'argent de Flynn toi-même, qu'ils disent. » Donc, Jim, j'ai passé 3 ans ici, sans une bouchée de nourriture chrétienne depuis ce jour jusqu'à présent. Mais voyons, regarde, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un homme de l'avant ? Non, que tu dis. Et je ne le suis pas non plus, que je dis. Là-dessus, il cligna de l'œil et me pinça vigoureusement. Puis il reprit. Tu rapporteras ces paroles exactes à ton chevalier, Jim. Et il ne l'est pas non plus. Voilà les paroles. 3 ans. Il restait seul sur cette île jour et nuit, beau temps et pluie. Et parfois il lui arrivait bien de songer à prier, que tu diras. Et parfois il arrivait bien de songer à sa vieille mère, puisse-t-elle être en vie, que tu diras. Mais la plupart du temps, c'est ce que tu diras, la plupart du temps Ben Gunn s'occupait à autre chose. Et alors, tu lui donneras un pinçon, comme je fais. Et il me pinça de rechef de l'air le plus confidentiel. « Alors, continua-t-il, alors tu te redresseras et tu lui diras ceci. Gunn est un homme de bien, que tu diras, et il a un riche coup plus de confiance, un riche coup plus, souviens-toi bien, dans un gentilhomme de naissance que dans ces gentilhommes de fortune en ayant été en lui-même. » « Bien, répliquai-je, je ne comprends pas un mot à ce que vous venez de dire, mais il en est ni plus ni moins, puisque je ne sais comment aller à bord. »« Oui, fit-il, ça c'est le chien-dent, pour sûr, mais il y a mon canot que j'ai fabriqué de mes 10 doigts. Il est à l'abri sous la roche blanche. Au pied aller, nous pouvons en essayer quand il fera noir. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça ?» Car à cet instant précis, bien que le soleil eût encore 1 heure ou 2 à briller, tous les échos de l'île venaient de s'éveiller et retentissaient au tonnerre d'un coup de canon. « Ils ont commencé la bataille, m'écriai-je. Suivez-moi. » Et oubliant toutes mes terreurs, je me mis à courir vers le mouillage, tandis que l'abandonné, dans ses haillons de peau de chèvre, galopait agile et souple à mon côté. « À gauche, à gauche !» me dit-il. « Appuie à ta gauche, camarade Jim. Va donc sous ces arbres. C'est là que j'ai tué ma première chèvre. Elles ne descendent plus jusqu'ici à présent. Elles se sont réfugiées sur les montagnes par peur de Ben Gunn. Ah, et voici le cimetière !» Cimetière, voulait-il dire. « Tu vois les tertres ? Je viens prier ici de temps à autre quand je pense qu'il est à peu près dimanche. Ce n'est pas tout à fait une chapelle, mais ça a l'air plus sérieux qu'ailleurs. Et puis, dit Ben Gunn, pas de curé, pas même une Bible et un pavillon, dit. » Il continuait à parler de la sorte tout courant, sans attendre ni recevoir de réponse. Le coup de canon fut suivi par un intervalle assez long d'une décharge de mousqueterie. Encore un temps d'arrêt, et puis à moins d'un quart de mile devant nous, je vis l'Union Jack se déployer en l'air au-dessus d'un bois.